Les éditions de l'Avenir présentent Le Progrès de l'Est, volume 1, numéro 1, du samedi 25 août 1883. Page 8, colonne 1. Nouvelle de Fitchburg. En accouplant des wagons à la station de North Leominster, sur le chemin de fer de Fitchburg, mercredi dernier, le conducteur, William Jones, a eu trois côtes et la clavicule cassée. E. H. Haywood, de Princeton, accusé d'avoir distribué de la littérature obscène, a comparu devant la cour mardi dernier. Sa cause a été ajournée pour le motif que Mme Haywood, le principal témoin, se trouve dans une situation intéressante et n'a pu se rendre à l'audience. Un violent orage a passé au-dessus de Leominster dans la nuit de lundi à mardi. La foudre est tombée sur la grange du défunt H.W. Rice et elle est brûlée de fond en comble, de même qu'une fabrique de cidre et de vinaigre à proximité. Les pertes sont plus que le double de l'assurance qui n'est que de $550. Cet enregistrement est diffusé sous licence Creative Commons Attribution Non-Commercial Share Alike et est une production 2012 des Éditions de l'Avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez l'aveniraudio.canalblog.com. Merci de votre attention. À bientôt.